our yogis practice vipassana meditation according to the Satipatthana Sutta, as I explained last night. The Buddha taught to rely on oneself, to take refuge on oneself, not anyone and anything else, to rely on the Dhamma, to take refuge in the Dhamma, to rely on the Dhamma is the Satipatthana. To take the refuge in the Dhamma is the Satipatthana, the four foundations of mindfulness. Les yogis pratiquent la méditation vipassana conformément au Satipatthana Sutta. Comme je vous l'ai expliqué hier, le Bouddha nous demande de n'avoir confiance qu'en nous-mêmes, en personne d'autre, de ne prendre refuge qu'en nous-mêmes, en personne d'autre. Il nous demande également de n'avoir confiance que dans le Dhamma, que de ne prendre refuge que dans le Dhamma. Avoir confiance dans le Dhamma, c'est pratiquer Satipatthana. Prendre refuge dans le Dhamma, c'est pratiquer Satipatthana. Il y a quatre établissements pour l'attention, quatre Satipatthana. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à la conscience et l'attention au Dhamma. Si donc on pratique les quatre établissements pour l'attention, on fait confiance au Dhamma, on prend refuge dans le Dhamma. Si donc nous pratiquons les quatre établissements de l'attention et que donc nous prenons refuge dans le Dhamma, nous faisons confiance au Dhamma, le Bouddha nous garantit le succès. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha parle de Atapa, de Satima et de Sampajanya. Atapa, c'est l'effort soutenu. Si donc nous fournissons un effort soutenu, pour être attentif sans interruption, Satima, tôt ou tard nous aurons Sampajana, la claire compréhension. Pour arriver donc au résultat, nous faire confiance à nous-mêmes et pratiquer de façon assidue. Si nous pratiquons de façon assidue, nous pourrons voir dans un premier temps que notre esprit est constamment envahi par les kilesas. Les kilesas, ce sont essentiellement les empêchements. Ces empêchements sont très puissants. Il y a Kamachanda, l'empêchement du désir sensuel, Vyapada, l'empêchement de la colère, du ressentiment, Tinamida, l'empêchement de la somnolence, Udacha Kukucha, l'empêchement de l'agitation et du remords, et enfin le doute. Nous devrons commencer par surmonter ces empêchements, nous en débarrasser. Si nous y arrivons, notre esprit va devenir pur, clair et frais. Et un esprit pur, clair et frais est capable de faire la différence entre nama et rupa, les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Nama et rupa sont toujours à l'intérieur de nous, mais nous ne le voyons pas, nous ne sommes pas en mesure de faire la distinction entre ces phénomènes physiques et ces phénomènes mentaux, tout simplement parce que les kilesas nous en empêchent, nous ne voyons pas clairement. Dès le moment où nous disposerons de la force de l'attention, nous pourrons nous débarrasser de ce qu'il est ça et serons alors en mesure de faire la différence entre nama et rupa. Plus nous serons attentifs, plus nous comprendrons. Nous comprendrons clairement le corps et l'esprit. Nous comprendrons clairement les causes et les effets. Nous réaliserons ces choses et en plus nous serons capables de maintenir notre attention sur notre corps et sur notre esprit. Mais si notre attention est interrompue, si nous n'arrivons pas à la maintenir de façon ininterrompue, nous ne pourrons pas voir ces choses. Il y aura les empêchements qui feront irruption dans notre esprit Et dès le moment où l'esprit est envahi par les empêchements, il devient incapable de voir la vraie nature du corps et de l'esprit. C'est pour cela que l'attention est si importante. Aujourd'hui, je vais vous parler des causes et des effets. Les yogis ont souvent entendu parler des causes et des effets. Si nous pratiquons de façon diligente, nous pourrons expérimenter les causes et les effets, même si nous ne l'exprimons pas. Du temps du Bouddha, il y avait un moine du nom de Asajitera. Asajitera était l'un des cinq personnes qui faisaient partie du premier groupe des compagnons du Bouddha. Asajitera dit un jour, le Bouddha a enseigné la cause. À qui a-t-il enseigné la cause? Lorsque Sariputta, qui cherchait l'enseignement juste, il cherchait l'état sans mort appelé Amata, lorsque donc Sariputta rencontra Asajitera, il lui demanda de lui enseigner la doctrine. Comme vous le savez probablement, le Bouddha omniscient avait deux disciples principaux, Sariputta Thera et Moggallana Thera. Ils étaient devenus les disciples principaux du Bouddha à cause d'un karma passé. Du temps du Bouddha, ces deux moines étaient nés dans une famille riche qui appartenait à la classe des Brahmanes. La classe des Brahmanes est en Inde la classe supérieure. Sariputta s'appelait Upatissa avant d'être ordonné. Il s'appelait Upatissa parce qu'il était né dans le village du même nom et il fut appelé Sariputta parce que sa mère s'appelait Sari. Moggallana fut appelé par ce nom parce que il était le fils de Moggali. Ces deux moines étaient très proches l'un de l'autre. Ces deux moines, Sariputta et Moggallana, étaient donc jeunes et tous les deux étaient nés dans une famille riche. Mais ils avaient tous les deux une très bonne intention. Ils voulaient trouver l'état sans mort, Amata. Ils voulaient trouver la pratique qui leur permettrait de se libérer de la mort. Ils rencontrèrent d'abord un ascète, un professeur très connu de l'époque. Donc, cet ascète, Pingyia, leur expliqua donc sa technique. Ils pratiquèrent sous sa guidance et très vite furent en mesure d'atteindre les jhanas. Ils demandèrent alors à l'ascète s'il y avait autre chose à leur enseigner. L'ascète leur dit que non, qu'ils avaient atteint le sommet de ses connaissances et qu'étant donné qu'ils étaient particulièrement brillants, il leur donnait la moitié de ses disciples. Mais Kolita et Upatissa n'acceptèrent pas. Kolita et Upatissa refusèrent donc l'offre de l'ascète parce qu'ils s'étaient rendus compte que sa technique ne leur permettait pas d'atteindre l'état sans mort, Amata. Et ils quittèrent donc ce professeur et se mirent en quête de la doctrine qui pourrait leur permettre d'atteindre l'état sans mort. Les deux amis se remirent donc en quête de la doctrine qui allait pouvoir leur permettre d'atteindre l'état sans mort. Mais ils ne réussirent pas à trouver quoi que ce soit. Ils décidèrent alors de se séparer et d'aller chacun de leur côté. Ils se mirent d'accord pour que si l'un devait trouver quelque chose, il devait tout de suite en informer l'autre. Ils se séparèrent donc, et Upatissa, le futur Sariputta, arriva dans une ville du nom de Rajagaha, un royaume sur lequel régnait le roi Bimbisara. Le Bouddha se trouvait également à Rajagaha au moment donc où Upatissa y arriva. Le Bouddha s'y trouvait avec ses disciples. Lorsqu'il pratiquait dans le but d'atteindre l'état de Bouddha omniscient, le roi Bimbisara l'avait vu et avait été impressionné par son allure. Il lui avait alors offert la moitié de son pays. Mais le futur Bouddha refusa, car il expliqua au roi Bimbisara qu'il s'efforçait d'atteindre l'état de Bouddha omniscient. Le roi Bimbisara l'avait alors invité à venir lui rendre visite au moment où il serait devenu un Bouddha omniscient. C'est pour cette raison que le Bouddha se trouvait à Rajgaha. Il s'y trouvait avec ses disciples, parmi lesquels Asajitera. Au moment donc où Patissa se trouvait à Rajgaha, il vit Asajitera qui faisait sa tournée d'aumône dans la ville. En pali, on dit Pindapata. Les moines ne peuvent pas demander qu'on cuisine pour eux, ils doivent recevoir la nourriture. Tous les jours donc, ils se rendent en ville pour quêter leur nourriture. Ils le font avec attention, comme les yogis ici qui pratiquent la marche, les yeux maintenus dirigés vers le bas. C'est très impressionnant. Upatissa vit donc Asajitera qui faisait sa tournée d'aumône et fut très impressionné par son allure. Il cherchait la personne qui pourrait lui donner l'enseignement juste et il se dit que ce moine devait avoir le bon professeur et donc l'enseignement juste. Mais ce n'était cependant pas le bon moment de le lui demander. Upatissa suivit donc Asajitera et lorsqu'il eut fini son repas, il s'adressa à lui. Vénérable, lui dit-il, votre expression est claire, lumineuse. Puis-je vous demander qui est votre professeur? Pour Upatissa, c'était très important. Il avait en effet rencontré beaucoup de personnes qui prétendaient avoir la bonne doctrine. Et il avait fait cette recherche depuis probablement très longtemps. Les textes ne le disent pas. Il avait enfin rencontré Asajitera et fut très impressionné par son allure. Il lui posa alors trois questions. Qui est votre professeur? Quel est l'enseignement que vous préférez? Et qu'enseigne votre professeur? Asajitera répondit à Upatissa, le Bouddha Gautama du clan des Sakya est mon professeur. C'est son enseignement que je préfère. Il est mon professeur. Upatissa demanda alors à Asajitera de lui enseigner ce que son professeur enseignait. Asajitera lui répondit qu'il venait d'être ordonné et ne savait donc pas grand-chose du Dhamma. Asajitera était un arhat. Il faisait partie du groupe des cinq ascètes à qui le Bouddha avait délivré son premier sermon. Il était le plus jeune des cinq. Mais, très humblement, il avait répondu à Upatissa qu'il était un jeune moine, fraîchement ordonné, qu'il ne savait pas grand-chose du Dhamma. Il s'était donc montré très humble. En fait, il voulait que Upatissa rencontre directement le Bouddha. Upatissa dit à Asajitera qu'en fait la grammaire n'était pas très importante. S'il ne connaissait pas la grammaire, ce n'était pas grave, mais par contre, s'il pouvait lui expliquer la signification profonde de l'enseignement, c'est cela qui l'intéressait. Asajitera lui expliqua alors ce qu'il avait lui-même compris du Dhamma. Il dit une demi-phrase et Upatissa réalisa la vraie nature du Dhamma. Il réalisa le fruit du Sotapanna. Vous avez souvent entendu l'enseignement qui porte sur les bénéfices de la pratique de la méditation vipassana. Parmi ces bénéfices, il y a l'atteinte du noble chemin et du noble fruit. Il y a quatre chemins et quatre fruits. Le chemin du Sotapanna, le fruit du Sotapanna, le chemin du Sakatagami, le fruit du Sakatagami, le chemin de l'Anagami, le fruit de l'Anagami, le chemin de l'Arhat et le fruit de l'Arhat. Il y a donc quatre chemins et quatre fruits. Upatissa, en entendant cette demi-phrase, était devenu un Sotapanna, il était entré dans le courant et avait donc réalisé le premier des chemins. Asajjitera prononça donc une demi-phrase. Dans les Écritures, cette phrase est la suivante. Le Bouddha, le Tathagata, a enseigné la cause. Ayant entendu cette demi-phrase, Upatissa devint un sotapanna. Il était très brillant. Il avait un très fort désir d'entendre le bon enseignement et il avait également les paramis. C'est pour cette raison qu'il put atteindre si rapidement ce premier stade. La deuxième partie de la phrase était « Le Bouddha a également enseigné la cessation des phénomènes, phénomènes qui sont provoqués par la cause. » La phrase dans son entièreté était donc « Le Bouddha, le Tathagata, a enseigné la cause. Il a également enseigné la cessation des phénomènes qui sont provoqués par la cause. » Si les yogis entendent cette phrase, ils ne la comprendront probablement pas. Je vais donc essayer de l'expliquer par rapport à la pratique. D'abord, nous entendons qu'il y a une cause et qu'il y a une cessation. Nous pratiquons la méditation vipassana conformément au Satipatthana Sutta. Nous gardons donc notre attention sur notre corps et sur notre esprit. Nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, les phases du pas lors de la marche et toutes les activités physiques en dehors de l'assise et de la marche. Nous devons voir par nous-mêmes si, au cours de cette retraite, nous pratiquons de façon diligente. Nous devons voir si nous sommes capables de maintenir notre attention pendant toute la journée sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, sur les pas lors de la marche et dans les activités quotidiennes. Les activités quotidiennes sont particulièrement difficiles tant que l'attention ne sera pas devenue forte. Mais sommes-nous capables de pratiquer de façon assidue en posture assise, en marche, lorsque nous faisons des mouvements avec les mains, avec le corps, sommes-nous capables de noter tout cela? Et vous constatez que vous êtes en effet capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous êtes capable de noter tous les mouvements physiques, et lorsque vous changez de posture, vous constatez que vous le faites avec attention. Vous êtes également capable de noter au moment où vous bougez les mains, où vous vous grattez, etc. Vous comprenez donc l'esprit et la matière. Vous êtes également capable de noter l'intention. Au début, il n'est pas possible de noter l'intention, car c'est un phénomène très subtil. L'attention n'est pas encore assez développée pour la noter. Mais dès que l'attention est devenue forte, le méditant est capable de noter l'intention qui précède les mouvements. Il ne note pas seulement la douleur. Lorsqu'elle devient très intense, il est capable de voir apparaître dans son esprit le désir de changer de posture. Il voit clairement ce désir. Ce désir est là parce que la sensation est devenue très intense, et il note ce désir avant de bouger. Il note ainsi les causes et les effets. Pourquoi changez-vous de posture? Parce que vous avez le désir de changer de posture. Si ce désir n'était pas dans votre esprit, vous ne changeriez pas de posture. Parfois, le méditant travaille avec détermination. Il est déterminé à ne pas changer de posture. Son corps ne bouge pas. Mais dès que le désir de changer de posture apparaît, le corps se met en mouvement. Cette intention, ce désir, c'est la cause. Le mouvement du corps, c'est l'effet. Lorsque vous bougez le corps en posture assise, bien souvent, vous ne voyez pas l'intention. Mais si vous avez développé votre attention, vous pourrez voir clairement cette intention. Vous voyez également que le mouvement est fait d'une succession de petits mouvements qui apparaissent et disparaissent constamment, qu'il y a également une succession d'intentions qui apparaissent et disparaissent. Vous êtes capable de voir cela parce que votre attention est devenue forte. À moins que l'attention ne soit très développée, il n'est pas possible de voir cette succession de mouvements et cette succession d'intentions. Si l'attention est faible, il n'est même pas possible de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ne fût-ce que pendant une minute. Vous pouvez vous dire que si vous réussissez à observer ces mouvements pendant 1 ou 2 minutes, cela veut dire que votre attention est très bonne. Au début, ce n'est donc pas possible. Il n'est pas possible de noter sans interruption. Il n'est pas possible de noter les mouvements des mains, les mouvements du corps lorsqu'on se lève, par exemple. Mais c'est un entraînement. Nous devons essayer d'y arriver et progressivement, nous allons nous améliorer. Les causes et les effets, on peut les voir ailleurs également. Si par exemple il fait froid, on attrape un rhume. Le rhume, c'est l'effet, le froid, c'est la cause. S'il fait chaud, nous allons transpirer. La transpiration, c'est l'effet, la chaleur, c'est la cause. Si vous comprenez ce qui vient d'être dit, vous comprenez la cause et vous comprenez la cessation. Mais ces choses sont difficiles à comprendre, surtout pour nous qui n'avons pas les capacités de Sariputta. Sariputta était particulièrement brillant. Il avait suffi à Asaji de dire une demi-phrase pour qu'il devienne un sotapanna. Sariputta Thera, he was very bright, called Uggadi just a bit. The Asaji Thera, he hadn't finished his stanza. He recited just half a stanza. He could realize they attained the first enlightenment, not finished yet. So he was so bright. I think that's enough for today. Tomorrow I will continue. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu.